vois me balader dans mes sandales, yeah. Je déplane, bouche sèche comme Sunaï, yeah. Plus tard, tu me crois chez le tuna. Cope une goutale, avec elle j'ai la dalle. Faut que gratter, refile leur gage. Jojo mène le gala, fais la mala. Font que gratter, même pour 10 balles. Petit dangereux comme 10 balles là, je fais mon dabla. Range ta clope, man, j'ai vu y'a ton dard là-bas. Y'a trop d'arbres là-bas, j'ai pas de signal. Attends signal. Attends signal. J'arrête le temps, je me déplace, j'ai plus la technologie. Toi tu veux un tubou, je dis tes conneries. Soirée cinéma, elle aime pas trop les sous-titres. Je fais des sous, enlève ton soutif. Elle me sourit, c'est la bonne voie, je vais pas faire du flan. Tous les rappeurs à la barre, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. Voyage, je suis en Alabama, AFC, à la maman, arrête, c'est pas maintenant qu'on va se la couler. Elle me fait un spécial, que 5 minutes pour gratter sa goulée. Je suis à la guille en zoom, je vais voir la clientèle. Vélo, tu dois des pips, vélo, tu veux un 16. Si je fais des valeurs, ta go a démarré, un gars va du lion. J'ai gardé ma parole, ta go a démarré, un gars va du lion. Oh. Wow.